C'est pas le chômage qui prend l'emploi, c'est l'emploi qui prend le travail. Bonjour. 5,1% en 1980, 7,6% en 90, 8,1% en 2000, 8,9% en 2010, 9,9% en 2014. Vous êtes en France, les décennies passent et le chômage, lui, s'installe. En 1980, plus d'1,2 million de Français étaient sans emploi. Près de 35 ans plus tard, ce chiffre a plus que doublé, dépassant les 2,8 millions de personnes dans l'Hexagone. Mais pour mieux comprendre le chômage, regardons plutôt du côté de l'emploi. En France, en 2012, sur 17,8 millions de salariés, 15,4 millions étaient en CDI. 87%. Que demande le peuple ? Sauf que les places sont chères. D'après Pôle emploi pour 2016, les CDI ne représentent que 36% des intentions d'embauche, contre plus de 20% pour les CDD de 6 mois minimum et près de 44% pour les emplois temporaires. Dans les pays de l'OCDE, entre 2000 et 2013, le pourcentage d'emplois à temps partiel est passé de 14% à plus de 17%. Aux États-Unis, les emplois temporaires auraient augmenté de 29% entre 2009 et 2012. Et voilà le sous-emploi qui pointe à l'horizon. Une catégorie regroupant les employés à temps partiel disponibles pour travailler plus, mais sans débouchés. En France, entre 2003 et 2014, ils sont passés de 4,8% des salariés à 6,4%. Il y a des contrats, oui, mais de plus en plus courts et de plus en plus jetables. Et pourtant, au total, en Europe, entre 2002 et 2015, près de 15,5 millions de personnes sont venues gonfler les rangs de la population active. Matelot, une tempête s'annonce. Mais d'où vient le vent ? Australie, nord-ouest du pays, région du Pibara. Des camions sillonnent la mine de West Angelas, propriété du géant de l'extraction Rio Tinto. Ce sont des Lomatsu 930EAT. À l'intérieur, aucun conducteur. D'ailleurs, aucun mineur n'est présent sur place pour extraire les 29,5 millions de tonnes de minerai de fer annuel. Tout est géré à distance, à 1300 km au sud, à Perth. 400 employés pilotent 15 mines, 31 puits, 4 ports et 1600 km de réseau ferroviaire. Chaque camion automatisé, c'est 4 chauffeurs en moins, mais 2 à 3 postes de techniciens en plus. Le compte n'y est pas. Chine, sud-est du pays, province du Guangdong. Sur l'une des lignes d'assemblage de Foxconn, mastodonte de l'électronique, les 20 à 30 employés qui plaçaient des composants sur les cartes mères ne sont plus que 5. Juste ce qu'il faut pour appuyer sur les boutons qui actionnent les machines qui, elles, font le travail. Entre septembre 2014 et mai 2015, plus de 500 usines autour de la ville de Dongguan ont investi 573 millions d'euros dans des robots. Objectif ? Remplacer plus de 30 000 travailleurs. Adieu grève et salaire minimum. D'après une étude de l'université d'Oxford, d'ici 20 ans, l'automatisation pourrait faire disparaître 77% des emplois en Chine. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, 57% des emplois pourraient être touchés. Selon le Forum économique mondial, d'ici à 2020, cette même automatisation pourrait détruire 7,1 millions d'emplois dans les économies des 15 pays les plus développés. Dans le même temps, 2,1 millions de postes devraient se créer. Reste 5 millions d'emplois évaporés en 5 ans. Les rares nouveaux postes risquent de demander de plus en plus de qualifications, comme les opérateurs spécialisés de Rio Tinto en Australie. Aux États-Unis, dans les années 1980, plus de 8% de la population active a profité des nouveaux emplois, principalement dans le secteur des nouvelles technologies. Dans les années 1990, il n'était plus que 4% et à peine 0,5% dans les années 2000. Au fil du temps, le marché du travail se polarise. D'un côté, des postes hyper qualifiés à haut salaire, et de l'autre, des boulots peu qualifiés à bas prix. Au milieu, un vide de plus en plus grand. L'essentiel, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Comment penser cette mutation de l'emploi pour éviter le mur et aller au-delà ? L'employé le mieux payé du monde s'appelait Alan Greenspan, et c'est lui qui l'a dit le 23 octobre 2008, lorsqu'il a dû auditionner par le Sénat américain et expliquer pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et bien, il a expliqué qu'en fait, il ne comprenait pas comment ça marchait, qu'il était là pour servir le système, et que plus personne ne comprenait comment ça marchait. En fait, j'ai appelé ça le prolétaire le mieux payé du monde. C'était le président de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est-à-dire le patron de la finance mondiale. Et ce qu'il disait, c'est « je n'y comprends rien ». C'est ça la prolétarisation. Vous servez un système, vous ne savez pas comment il fonctionne, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le critiquer. On est arrivé à un niveau d'hyper-prolétarisation, d'extrême rationalisation, d'extrême taylorisation, qui a abouti finalement maintenant à un énorme problème, c'est que c'est tellement parcellisé les tâches, tellement formalisé qu'on n'a plus besoin des employés. On peut les remplacer de plus en plus par des algorithmes, par des robots. À partir du moment où les robots remplacent les employés n'ont plus de salaire, donc ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Les robots produisent, mais il y a de moins en moins de gens pour acheter ce qu'ils produisent. À partir de là, il y a un effondrement macroéconomique inéluctable. La disparition de l'emploi doit être transformée en chance. Ce que nous soutenons, c'est qu'il faut faire de la redistribution sur un autre critère que l'emploi, et qu'est-ce que nous appelons le travail. Alors pour beaucoup de gens, le travail et l'emploi, c'est la même chose. Pas pour nous. Pour nous, un travail, c'est ce qui ne peut pas être automatisé. Un travailleur qui a un vrai savoir produit de la différenciation, de la diversité, ce qui permet d'augmenter la complexité, la diversification d'un système pour le rendre plus résilient. Il faut aujourd'hui produire beaucoup d'intelligence collective parce que nous sommes en train de foncer vers de très très très gros problèmes. Et nous devons résoudre ces problèmes. Et à partir de là, il faut se dire, la perte de l'emploi, c'est une chance, à condition de transformer une économie du travail qu'on appelle le travail contributif dans une économie contributive et basée sur un revenu contributif. Alors tout ça est rendu possible par une technologie qui s'appelle la technologie numérique. Et en effet, la technologie numérique, c'est ce que depuis Socrate on appelle un pharmacon. C'est à la fois un poison et un remède. Si on n'en a pas de politique, si on ne prescrit pas des nouvelles façons de s'en servir, si on ne donne pas aux gens la possibilité d'avoir une intelligence de ce que c'est que cette technologie, et pas simplement une intelligence individuelle, mais une intelligence collective, alors on permet à des prédateurs, comme Uber par exemple, ou d'autres, finalement de capter toute la valeur possible, tout en détruisant les sociétés, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Ou bien on peut au contraire dire on va s'emparer de ces technologies pour reconstruire une société, mais sur des bases tout à fait nouvelles. Mais ça, il faut s'en donner les moyens. Je vous donne un exemple sur le problème du remplacement. Bon, on parle beaucoup des smart cities aujourd'hui. Moi-même, je m'y intéresse beaucoup. Il y a deux manières de voir les smart cities. La manière ultra dominante, c'est-à-dire dire on remplace toutes les décisions par les algorithmes. Et on automatise absolument tout, les flux d'automobiles, les transports publics, la surveillance du crime, enfin toutes ces choses-là. Ça, c'est le modèle dominant qui repose sur les big data. Et puis, un autre modèle tout à fait différent, dont le premier à m'avoir parlé s'appelle Jean-François Caron, c'est le maire d'une toute petite commune de 8000 habitants à Los Angeles, dans le bassin minier, et qui m'a dit, moi, j'ai travaillé avec Orange pour mettre en place des capteurs, donc c'est les capteurs, c'est la base des smart cities, mais ça ne sert pas du tout à déclencher des algorithmes qui automatisent tout, ça sert à convoquer des réunions d'habitants. C'est-à-dire que ça permet de faire que les habitants, à un moment donné, soient tous informés de, par exemple, l'état de la consommation d'un quartier, etc. Et ça convoque à une réunion et ça fournit des informations aux gens pour qu'ils discutent et qu'ils prennent une décision. Ça, c'est une vraie smart city. C'est une ville vraiment intelligente, où les habitants augmentent leur intelligence collective. L'économie, au sens premier, c'est prendre soin de sa maison. C'est l'économie domestique dont parlent, par exemple, les Grecs ou Aristote. Économiser, ça veut d'abord dire prendre soin, au départ. Hein. Aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une économie ultra-spéculative qui veut dire à peu près le contraire. Mais nous disons qu'il faut reconstruire une économie qui repose sur les savoirs, et les savoirs, ce sont des façons de prendre soin, à travers ce que l'on sait, des objets de ce savoir. Voilà. Donc oui, c'est une manière de redévelopper du soin, collectivement, à l'échelle de tout un territoire, et de réorganiser la société sur cette base, pour redévelopper aussi ce que Émile Durkheim appelait de la solidarité organique, c'est-à-dire le fait de partager des savoirs, de travailler ensemble, et de reconstituer une société très très liée, très fortement liée. Aujourd'hui, la société totalement atomisée, c'est plus vraiment une société. C'est ce qu'un économiste qui s'appelle Jacques Généreux appelait une dissociété. La dissociété, c'est très dangereux. En attendant, à San Francisco, dans les couloirs de l'hôpital universitaire de Californie, c'est la famille Tug qui prend en partie soin des patients. 12 robots d'1m20, 27 capteurs chacun, et un concentré de technologie qui leur permet de transporter les repas, le linge et même les médicaments. Gentil Tug. On peut se dire que c'est temporaire, que les courbes finiront par se relever, que tous ces robots, il faudra des techniciens spécialisés pour les concevoir, les entretenir, les accompagner, de nouveaux emplois. Sauf que les premiers robots qui s'auto-réparent sont déjà en chantier. Le principe du mirage, c'est qu'ils semblent réels. On peut aussi plonger la tête plus profondément dans le trou en se disant qu'il faut barrer la route à l'automatisation qui, pourtant, est déjà là. Et alors quoi ? Défendre le droit de redescendre à la mine ? La chance d'aligner des boîtes sur des kilomètres de linéaire rectiligne ? C'est peut-être parce que ces boulots n'ont plus de sens qu'ils conviennent si bien à des machines. L'emploi est devenu une pierre angulaire de nos vies. Il emplit nos quotidiens, peu importe de quoi. Mais que faire s'il disparaît ? Foutu peur du vide. Et si un peu de concret nous aidait à avancer? Comme à Plaine Commune, un territoire de 414 000 habitants dans le nord-est de Paris. Depuis 2016, Bernard Stiegler y a lancé une expérimentation sur 10 ans. Un chantier concret pour inventer une autre façon de redistribuer les richesses. Tester le revenu contributif, inviter des juristes, des économistes, des ingénieurs, des sociologues, des philosophes à se confronter à la pratique. Et au centre, les habitants de Plaine Commune, acteurs principaux de ce changement. Ce n'est pas une solution, c'est une tentative. Et d'autres, tout aussi concrètes, sont en cours. Comme à Copanam, où l'on recrée du lien entre des travailleurs de plus en plus indépendants et donc isolés. Finalement, je me dis que les briques de ce mur dans lequel nous fonçons pourraient peut-être servir à bâtir d'autres avenirs, déjouer la peur du vide, pour peu qu'on les leste avec un peu de sens et d'envie. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie Sistit, je suis militante de la Manif pour tous, LMPT comme on dit. Oui, mais uniquement quand il n'y a personne autour. Bon, ah oui, la Manif pour tous. J'aime rire. LMPT, oui. Exactement. Vous vous souvenez peut-être de moi, j'étais déjà passée par le petit journal l'année dernière. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime, mais c'est contre nature. Exactement. Donc, voilà, rassurez-vous, je n'ai aucun problème avec les médias pédophilo-gauchistes. Alors, Alison m'a gentiment laissé son micro le temps de faire passer un message. Merci, Alison. Je savais que vous étiez une bonne personne, même si vous n'avez pas un prénom très gaulois. Mais quand même, cœur avec les doigts. Enfin, les doigts. Bon, j'étais encore cette année à mon plus grand bonheur, à la Manif pour tous. Et j'aimerais fédérer par Roger. Voilà, donc j'aimerais fédérer les jeunes à notre cause. C'est pourquoi je vais m'exprimer notre position en musique. Oh yeah. En Homophobic Records. En Marie Sistit. Ok. Je suis pas venue te dire que je m'en vais comme Michel Sardou, hein. Je suis venue vous prévenir que la colère va s'abattre sur nous, hein. Je voulais vous raconter qu'on se dirige vers le pire, hein. Oui, Nagui, je suis venue vous dire des trucs qui font pas plaisir, hein. Nous, on n'est pas pour la discrimination, on est dans le respect, on est humble. C'est juste qu'on aime pas trop les mange-yaourts et les colleuses de timbre. Faut pas que les PD, ils aient les mêmes droits que nous, Nagui. Ça va donner des idées aux gens originaires de musulmanie, hein. Aimer chez nous, c'est pas la même définition, hein. Vous savez qu'on peut aimer sans avoir d'érection, hein. Pour nous, aimer, c'est regarder ensemble à droite et dans la même direction. Regarder Boutin à la télévision, pendant que nos cerveaux et nos enfants dorment bien profond. Un papa, une maman, c'est tout ce qu'il faut à la maison. Même si on s'aime pas, le plus important, c'est protéger nos institutions de la destruction. La GPA, en fait, c'est la prostitution qui nous guette. La polygamie, la sodomie, toutes ces pratiques qui nous inquiètent à base de caquettes qui nous embêtent. Je jette un slam pour la France qui part en cacahuète, hein. Oh, Marie Sistit. Tous ensemble, tous ensemble. Magique. Ok, ok. Bouge ton bouti. Comme ça. Où va le monde si on donne trop de droits aux homos? Si on les considère comme des gens normaux? On va bientôt donner le droit de vote aux animaux. Vous vous rendez compte, si on donne des enfants aux PD, ils vont grandir entre les Legos, hein, et les Godes Michés, hein. Ils rêveront pas comme les autres enfants de héros et de cosmonautes, mais de soirées au lait, gangbang de Cosmo et de Capote. Et puis c'est quoi cette lubie d'enseigner à nos enfants qu'ils peuvent choisir de grandir autrement? Faudrait rééditer des livres et puis quoi? Des petits tousses bruns et c'est la sodomie, hein? Non, oui. Apparemment, la théorie du genre est souvent enseignée. C'est pas moi qui le dis, c'est même que le pape, il a dit que ça existait. Et quand le pape, il dit un truc, et bah forcément, c'est vrai. Comme que Jésus était le fils de Joseph et de Dieu, mais ils étaient pas pédés, non. Oui, vous pouvez rire, Nagui, mais tout ça, c'est le signe de l'apocalypse qui va venir vite. Najat veut transformer les garçons en filles et leur couper la bite, hein. Nous, on veut que les filles restent à la cuisine, c'est naturel. On n'est pas contre le progrès si elles veulent s'acheter un lave-vaisselle, hein. La colère divine, c'est pour bientôt, monsieur Nagui. Vous voulez une preuve? Très bien, la voici. La lessive homo est à côté de quoi? À Monoprix? À côté de Dash. Et Dash, ça ressemble à Daesh, comme par hasard. Enlevez une lettre et zou, y a pas de coïncidence, mis un gros lézard, Richard. Tous en cœur, un papa, une maman, c'est important. On ne ment pas aux enfants. Hein? Hein? Ok. Ok. LMPT, c'est le refrain de gauche à droite, mais surtout à droite. Où va le monde si on donne trop de droits aux homos? Si on les considère comme des gens normaux? Il faut pas laisser adopter les couples homosexuels. Les bébés, ça naît dans les choux, pas dans les arcs-en-ciel. LMPT, Marie Sistit. Voilà, ce qu'on vient d'entendre, eh bien, c'est de la recherche sur le net. Aujourd'hui, c'est quand même dingue tout ce qu'on peut y trouver, du n'importe quoi et du pas n'importe quoi. Donc, c'est de la recherche sur cette énorme machine qui est Internet. Je vous lis un communiqué aussi que j'ai reçu qui s'appelle « Pour des actions inutiles ». Jeudi 17 novembre 2022. Alors que les artivistes s'étaient donné rendez-vous pour commémorer la disparition du Festival des Libertés, la police de Bruxelles a démontré son engagement en faveur de la démocratie. N'hésitant pas à déployer d'importants moyens humains et matériels, elle a envoyé sa brigade chevaline durable cueillir délicatement chacun, chacune des artivistes circulant sur la place publique pour les inviter fort civilement à suivre un cours de prévention citoyenne. Car, comme l'ont rappelé les officiers formés pour cette opération stratégique, en matière d'élection, le vote est la meilleure des préventions. Ce n'est que lorsqu'il est dans l'isoloir et pas sur le trottoir que l'artiviste est vraiment en sécurité. Après une bonne demi-heure de thérapie cognitivo-comportementale, les représentants de l'État ont jugé que les artivistes avaient enfin bien compris toute la nécessité des dangers liés à la bonne santé économique et sociale du pays et l'absurdité de leur suicidaire entreprise de protestation passéiste. Il a ainsi été possible d'organiser 5 fois le tour de la station de métro Bourse sous haute protection d'austérité financière afin que les artivistes se rendent compte de leur imprudence passée et fraternisent avec les eurocrates présents et pris de justice sociale comme chacun sait. Après ces 5 tours hautement pédagogiques et démontrant le savoir-faire de nos parlementaires en matière de transparence du trafic lié au lobby, les activistes ont heureusement disparu et laissé toute leur place aux forces vives de la nation et à son gouvernement hautement responsable. Les artivistes remercient tous les animaux présents à ce grand moment de n'importe quoi et souhaitent vivement renouveler cette opération le 17 novembre 2024 en espérant que la brigade montée pourra mobiliser au moins 2 agents par artiviste afin d'assurer pleinement son devoir de protection. Allez, c'est parti dans la cantine, dans une cantine. Une cantine plein d'étudiants qui ont plein de choses à se dire. Et bah, c'est l'heure de pointe, hein, il est midi et des poussières. Et je rencontre, alors, j'ai oublié, est-ce qu'on donne ton prénom ou bien ça n'a pas d'importance? Oui. Donc c'est Ibrahim, je peux t'appeler comme ça? Donc Ibrahim, et j'ai en face de moi Ibrahim et j'avais envie de te rencontrer. Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu une petite annonce qui disait donc pour celles et ceux qui se demandent pourquoi je suis toujours au chômage et pourquoi j'ai été licenciée à plusieurs reprises. Et alors, ben, on voit une photo et c'est noté, donc c'est un article, hein, les entreprises veulent des gens intelligents qui n'utilisent pas leur capacité de réflexion. Et donc, suite à ça, tu dis, hein, pour celles et ceux qui se demandent pourquoi, nanani... Bon, j'ai l'impression d'avoir fait la chose à l'envers. Est-ce que j'ai été clair? Oui, c'est clair. Hein. Donc, il y avait beaucoup de gens qui me posaient la question de savoir, comme ils savent que je suis demandeur d'emploi, donc inactif, on va dire. Alors, ils se demandent, oui, mais Ibrahim, comment ça se fait que quelqu'un comme toi, qui a de bonnes capacités, qui connaît plusieurs langues, qui a beaucoup d'expérience, qui est aussi actif en vérité, mais pourquoi tu n'arrives pas à trouver du travail? Pourquoi on ne veut pas t'engager? Et je trouvais que cet article... expliquer en quelque sorte très bien ma situation, mon cas, que vivent beaucoup d'autres personnes. Parce qu'après, à côté, j'ai un ami qui est plus ou moins comme moi. Lui, il travaille, mais il se sent pas très bien dans son travail. Et lui aussi, il avait partagé le même article. Et je lui dis, tiens, quelle coïncidence, ça ne m'étonne pas de toi, parce que moi aussi, j'ai partagé cet article en faisant la même chose, la même remarque. Et donc, pour en revenir à mon cas, donc moi, j'ai démissionné de mon dernier travail qui était assistant commercial en 2012, parce que je m'ennuyais beaucoup. Et depuis 2012, bon, bah, c'est un peu la galère, quoi. Donc, je suis demandeur d'emploi. Et j'ai fait plusieurs entretiens d'embauche. J'ai fait deux formations et bon, bah, ça n'a rien donné malheureusement. Et donc, je me remets, comme tout le monde, hein, on se remet toujours en question et on se demande justement pourquoi on n'arrive pas à être engagé. Et l'une des raisons est expliquée dans cet article. Oui, les entreprises veulent des gens intelligents qui n'utilisent pas leur capacité de réflexion. J'imagine que oui, il y a des entreprises comme ça, puis il y a des entreprises qui demandent des gens quand même qui utilisent leur capacité de réflexion. Oui, un minimum, on va dire. C'est ça le truc, c'est que c'est un minimum. Mais quand on voit, par exemple, dans une entreprise qu'une personne commence à prendre un peu trop d'ampleur, et devient peut-être trop ambitieuse, ben on commence à avoir peur. Et donc les chefs ont l'habitude de devoir stopper cette personne pour justement pas infecter les autres. Alors comment ça se passe ? Ben, en général, moi j'ai remarqué que souvent le supérieur hiérarchique, c'est une personne qui doit être docile et qui doit savoir transmettre cette docilité à ses inférieurs, pour ne pas dire supérieurs, et ainsi de suite. Donc dès qu'il y en a un qui bourre dans les brancards, je ne sais pas comment... c'est une expression assez compliquée. On est obligé de le remettre à sa place, en quelque sorte. Donc en gros, on a besoin de vous pour vous fournissiez des idées, mais en réalité, quand vous êtes engagé dans une entreprise, vous avez des tâches, et vous devez vous limiter aux tâches. Et ce sont des tâches très exécutives, c'est-à-dire faire quelque chose, répondre à un client. Mais par exemple, vous pourriez répondre 150 fois la même chose à un client, vous allez vous rendre compte, parce que vous allez faire une analyse que vous ne devez pas faire, que ce n'est pas la bonne solution. Alors si jamais vous osez dire « je trouve que ce n'est pas la bonne idée, on va pas dans la... c'est pas le bon chemin que nous sommes en train de prendre », alors que vous n'êtes pas la personne responsable pour dicter justement ce genre de politique, à ce moment-là, on vous dit c'est pas ça ton travail, tu vois, occupe-toi de ton travail. Et donc vous devenez un simple exécutant. Et c'est ça aujourd'hui le problème dans toutes les entreprises, c'est qu'il y a des exécutants partout, c'est pour ça qu'on s'améliore pas. Mais il y avait un autre article où ils expliquaient que c'était pas seulement propre au monde du travail, mais c'est surtout dans le monde politique que c'est comme ça. Dans le monde politique, c'est la même chose. Vous avez des conseillers, vous avez des ministres, etc. C'est les partis qui leur dictent comment ils doivent. Donc on leur dit, voilà la feuille de route, voilà notre programme. Mais si vous remarquez, par exemple, un député constate que, par exemple, le programme n'est pas compatible avec la réalité sociale, parce que, justement, il est en contact avec la société, en contact avec les gens, et il se dit, c'est pas le retour que je reçois. On lui dit, écoute, si ça se passe comme ça chez nous, si t'es pas content, tu pars. Et si jamais tu pars, tu perds les avantages. Même chose dans le monde du travail. Écoute, ici chez nous, on fait comme ça. Je donne un exemple, le café, on le fait comme ça. Ah oui, les clients se plaignent, tant pis. Mais Ibrahim, est-ce que tu peux peut-être raconter aussi... Donc tu étais agent commercial, tu as commencé à bosser, tu parles plusieurs langues, tu dis. Donc en gros, tu me fais comprendre que tu es quelqu'un de valable, hein ? Mais tu l'es de toute façon. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'imagine aussi que ça doit être compliqué, ça doit pas être facile d'être au chômage, c'est mal vu. Oui, justement, j'en parlais l'autre jour avec un ami. Alors j'aime bien utiliser cette petite anecdote. C'est qu'un jour, on m'avait demandé... vous savez, dans les entretiens d'embauche, on vous pose souvent des questions débiles. Et une des questions débiles, c'est « Pourquoi vous êtes motivé de venir travailler chez nous ?» La réponse, c'est parce que j'ai besoin de boulot, tout simplement. Mais t'es obligé de baratiner, genre « Oui, j'adore votre entreprise, j'ai toujours rêvé de travailler, blablabla. » Enfin, soit. Et moi, j'ai été cash avec, avec mon employeur. Et je lui ai dit « Vous savez quoi, madame ?» Je lui ai dit « Aujourd'hui, on est vendredi. Et vendredi soir, les jeunes, ils vont en boîte. Si je vais en boîte, et qu'il y a une fille qui me plaît, et je lui dis salut, ça va, etc. Elle me dit que si tu fais dans la vie, si je dis que je suis chômeur, elle va pas me donner son numéro. Mais si je travaille, j'ai plus de chance. Moi, la souris, c'est comme ça que j'ai été engagé. Mais aujourd'hui, malheureusement... Et t'as été engagé dans quoi, alors ? Ah oui, c'était le travail comme assistant commercial, tout simplement. Parce que j'avais pas envie de lui baratiner, j'adore votre entreprise, j'aime faire ça, j'aime le contact avec les clients. J'ai dit tout simplement, j'ai besoin de travailler, puis c'est tout, j'en ai marre d'être... Parce que ça faisait un an et demi que j'étais au chômage. Et Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, être demandeur d'emploi, c'est très mal vu. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est chômeur, il est vu comme un moins que rien. Mais j'imagine qu'il y a plusieurs années de ça, ça devait être encore pire qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une réalité économique qui fait que tout le monde... Bah, tu vois, il y a les licenciements, hein, t'as entendu parler récemment de ING Caterpillar, il y a des gens qui sont licenciés, donc il y a moins de travail pour tout le monde en même temps aujourd'hui. Donc peut-être aujourd'hui, je discute avec toi, hein, c'est une réflexion, c'est déjà plus facile d'être au chômage parce que t'es moins tout seul qu'avant, ça devait être vraiment la maladie, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben, déjà, oui, c'est vrai, on est plus nombreux à être au chômage, mais malheureusement, ben, moi, je trouve que l'image n'a pas changé. Bon, ceci dit, t'étais pas au chômage il y a 20 ans. Moi, j'ai fini mes études en 2005, et entre 2005 et maintenant, donc sur 11 ans, je crois que si je calcule, j'ai été pendant 5 ans au chômage. Donc, il y a eu des périodes de travail courtes, chômage. Travail, chômage. C'est pour ça que j'avais accepté justement de faire cette interview pour parler du chômage, parce que je trouve que je suis un spécialiste en chômage, si tu veux. Et non, mais 5 ans, c'est pas beaucoup, ami. 5 ans au chômage, c'est pas beaucoup. Hein. C'est énorme. Pour quelqu'un de jeune comme moi, mais moi j'ai fait un calcul de combien je vais toucher à ma pension, je vais toucher des cacahuètes. Hein. C'est très grave, on n'y pense pas. Hein. Mais. T'as quel âge en fait, Ibrahim ? Ah, ben moi j'ai 34. 34. Donc ma pension, je vais la toucher dans 30 ans. Mais bon. Elle existe toujours d'ailleurs. Existe toujours. Et puis si elle ne monte pas à 70 ou 75 ans. Donc oui, donc pour moi, c'est mal barré, quoi, parce que je n'ai pas beaucoup de périodes de travail. Bon, quand on pense aux indépendants, c'est encore pire. Mais pour en revenir justement à l'image du chômeur, c'est que les gens sont persuadés que on leur fait croire en fait qu'il y a beaucoup de travail. Aujourd'hui, si tu vas sur le site d'Actiris, on te dit 20 500 emplois disponibles, par exemple. Et tu dis, bah, c'est quoi ces chômeurs qui disent qu'il n'y a pas de travail, tu vois ? En fait, c'est pas vrai, il y a beaucoup plus de chômeurs que de travail. Bon, aujourd'hui, le gouvernement a dit, là, on le taquine un petit peu, le Premier ministre, sur cette phrase qu'il avait dit, hein, jobs, jobs, jobs, hein, donc il allait créer beaucoup d'emplois, mais malheureusement, on ne le voit pas. Donc on est persuadé que si on fait confiance au gouvernement, que la majorité des chômeurs auront plus de chances à trouver du travail. Mais bon, malheureusement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on constate que de plus en plus d'entreprises délocalisent ou mettent des gens à la porte pour des raisons de bénéfices, pour faire des bénéfices, tout simplement. Donc aujourd'hui, la réalité du chômeur, oui, bon... C'est vrai qu'un jour, il y aura de plus en plus de chômeurs, et là, peut-être qu'on sera beaucoup plus solidaires entre nous. Et qu'il y aura moins cette stigmatisation du chômeur, vu comme une personne, comme un parasite, comme une personne qui ne fait pas d'efforts pour chercher du travail, comme une personne qui refuse de travailler, comme une personne qui glande. Malheureusement, là, bon, maintenant, ça fait 4 ans que je suis au chômage, et moralement, c'est pas bon, parce que tu t'habitues, tu rentres dans une habitude, tu te réveilles tard, tu dors tard, et après, c'est plus difficile pour toi de reconquérir le marché du travail. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens qui démissionnent, qui ont perdu un travail, de ne pas commencer à dire « oui, je vais faire une année sabbatique ou je vais faire une formation ». Non, je trouve vite un travail, comme ça, tu restes toujours dans le bain, on va dire. Ouais, là, tu nous donnes tes petites astuces pour rester bien au taquet par rapport au marché du travail. Mais quand le marché du travail a déjà un problème, ne circule pas bien, c'est déjà compliqué. Dans l'économie, en fait, c'est compliqué. Parce que si demain, on te propose de travailler, tu travailles, quoi. Voilà, on ne devrait pas se battre pour avoir un travail. Moi, je le dis souvent, ça, mais les gens ne sont pas d'accord avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis toujours, un travail, c'est une question de chance. Une question de chance. Parce que pour un poste de travail, on est une bonne centaine à postuler. Aujourd'hui, ça, hein ? Oui, oui, oui, même plus. C'est ça que je parlais de la réalité économique. Aujourd'hui, tu as une offre d'emploi et tu as, en tout cas, moi je sais que dans le milieu de l'éducation, tu as une offre d'emploi, tu as 200 personnes sur l'offre, quoi. Même plus, hein, parfois pour certains postes, ça peut aller jusqu'à 1000 ou 2000. Hein. Donc il y a un problème là, non ? Bien sûr. Et comment tu veux que le gars qui s'occupe du recrutement va aller devoir trier parmi 2000 personnes ? C'est impossible. Donc il est obligé d'en prendre 15 au hasard. Parce que c'est impossible de lire 2000 CV, par exemple, ou 1000 CV. Ça, c'est déjà la première chose. Donc il y a déjà un premier filtre qui passe, c'est la chance. Puis il y a le deuxième filtre, c'est l'entretien, est-ce que tu vas le réussir ou pas. Et puis parfois, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la discrimination, différents types de discrimination. Hein. Je te donne un exemple, par exemple, pour un poste de secrétaire, on va préférer une fille, donc on discrimine les hommes. Pour un autre travail, on préfère les hommes, donc on discrimine les femmes. On discrimine sur le physique aussi. Par exemple, pour un travail comme de réceptionniste, on va prendre une fille qui est soi-disant, entre guillemets, jolie, tu vois. Et puis la discrimination raciale. Bon, voilà. Parfois, je trouve que ceux qui le subissent le plus, ce sont les personnes qui ont un nom à caractère, à consonance, on va dire, arabe ou africaine. Et par exemple, une personne qui est de couleur noire, si jamais elle n'a pas un nom africain, mais quand elle vient à l'entretien, on est étonné, on se dit « Oups, un noir ». Et parfois, ça fait chier, tu vois. Le type, il ne voulait pas, par exemple, engager un noir. Et voilà, il est obligé de dire « Oui, écoutez, vous avez beaucoup d'expérience, mais on a engagé quelqu'un d'autre ». C'est dégueulasse, hein, mais bon. Mais l'idée, c'était de réfléchir sur... moi, je pense que pour travailler, il ne faudrait pas se battre. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu le parcours du combattant. On ne devrait pas se battre, selon moi, tu vois, on ne devrait pas se battre pour avoir un travail. Tu as envie de travailler, ben voilà, il y a une offre qui est là, en avant, au boulot, quoi. C'est la conjoncture économique, on doit se battre pour avoir le travail, parce qu'il n'y a pas assez de travail, tout simplement. Mais heureusement qu'on ne se bat pas. Hein. Parce que moi, je sais, j'ai un ami, un jour, il avait un entretien d'embauche et il s'est préparé pendant une semaine. Pendant une semaine, il s'est préparé. Et il m'avait dit, parce que je sais que je vais avoir pas mal de concurrents sur ça. Et donc, tous les jours, il étudiait le truc de l'entreprise et tout ça. Alors que moi, les entretiens, d'habitude, j'y vais comme un touriste. Et je m'étais dit, il voulait mettre toutes les chances de son côté. Et c'était vraiment un combat pour lui. Et le pire, parfois, c'est quand tu es dans la salle d'attente et que tu vois tes concurrents, ils sont là, tu vois. Ou quand, par exemple, ils font des jeux de rôle. Ah ouais, maintenant, ils font des jeux de rôle. C'est-à-dire, vous êtes 10 là, et on vous dit, vous êtes tous les 10 là pour ce travail, et on va choisir un d'entre vous. Alors, évidemment, tu as le caractère, les instincts, on va dire, de chacun qui ressortent. Et donc, c'est devenu un combat, oui. Donc, comme tu dis, logiquement, on ne devrait pas se battre pour travailler. Normalement, moi, je trouve que le plus logique, ce serait même... Je vais pas dire imposé, mais on dit à quelqu'un, c'est quoi ta formation? Tu es professeur d'anglais? Ben voilà un travail. Vas-y, tu commences demain, tout simplement. Après, la personne, si ça ne lui plaît pas, bon, on lui en pose 3 postes, on lui dit, là, ben, tu peux choisir, tu as de la chance, tu peux choisir entre 3 postes. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu fais un entretien, tu as 200 concurrents, 100 concurrents, tu n'as pas de chance, tu as raté ton entretien, ben, tu dois attendre un autre entretien, et ainsi de suite. Donc oui, on se bat pour avoir un boulot. Et une autre façon... de rivaliser avec les concurrents, c'est le salaire, par exemple. Par exemple, on vous dit combien vous voulez combien, par exemple, de salaire. Moi, je vais dire, par exemple, 2500 euros brut, qui correspond à mon dernier salaire. Mais si le gars avant moi, il avait dit 2003, on va prendre celui-là. Mais toi, tu sais pas ce qu'il a dit l'autre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de revoir tes exigences à la baisse. Tu vas dire 2000. Après, tu vas le regretter. Tu vas dire, j'aurais pu demander plus, et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, c'est l'employeur qui est le maître du jeu. Complètement, complètement. Ouais, tu te dis, écoute, ça prend droit à laisser, en fait, en quelque sorte, c'est ça. Et donc, surtout, c'est pas grave que tu prennes pas, il y en a un autre qui va prendre à côté. Ça, c'est aussi... Alors, quand tu te plains à ton travail, c'est la raison pour laquelle j'ai été souvent licencié, c'est qu'on te dit, c'est pas grave, moi, demain, je mets une offre d'emploi, il y a 200 personnes comme toi, ou même mieux, meilleures que toi, qui vont venir. Et c'est vrai. Je veux dire, moi, j'ai beau être arrogant et je me vante beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui valent beaucoup plus que moi, qui sont beaucoup plus intelligentes que moi, qui ont des meilleures qualités que moi, qui seront moins payés et qui seront certainement humainement de meilleures personnes au travail. Et donc les entreprises, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles mettent beaucoup de gens à la porte. Parce qu'elles se disent, c'est pas grave, on virait 100, on engageait 100, etc. Je vous donne un exemple, par exemple, moi j'ai remarqué que depuis que je suis demandeur d'emploi, donc depuis que j'ai fini mes études, il y a une entreprise, que je ne veux pas citer, qui n'arrête pas tous les 3 mois, tous les 6 mois, elle poste une offre de travail. Et tu as envie de lui dire, mais attends, le gars que tu as engagé, pourquoi tu l'as déjà viré? Vous virez tous les 6 mois, en fait. Ben oui. Parce que ça leur coûte moins cher de faire ça. Et bon, malheureusement, le gouvernement, il laisse ses entreprises faire ça. Maintenant, moi, si j'étais chef d'entreprise, j'avoue que ça me ferait chier que le gouvernement me dicte ma façon de faire. Je vais dire, je fais ça parce que j'ai pas envie de payer plus. Alors, t'as qu'à diminuer mes charges sociales. Et à ce moment-là, je ne ferai plus ça. Tu vois? Oui, mais parce que là, tu critiques le système et puis en même temps, tu dis, t'avoues que si t'étais dans le système, tu ferais pas mieux. Bien sûr, parce que je dis que je comprends le monde de l'entreprise quand il délocalise et quand il licencie des gens. Parce que là, on a parlé depuis le début, j'étais le demandeur d'emploi. Mais maintenant, si tu étais chef d'entreprise, tu vois les choses différemment parce que tu penses à tes sous et tu te mets à la place de l'entreprise. Oui, mais si tu te mets à la place de l'entreprise et que ton bénéfice, il est trois fois, non pas deux fois, on va dire, parce que déjà deux fois, c'est pas mal, hein, tu fais du profit déjà deux fois sur la tête des gens, on va dire trois fois sur la tête des gens. À un moment donné, tu peux aussi, toi, te poser la question, avec la conjoncture économique, est-ce que je serais un patron pose-toi vraiment la question, au mieux de dire, ok, quelque part c'est sincère de dire je ne ferai pas mieux que les patrons, aujourd'hui. Attends, je finis. Donc, tu as l'honnêteté de dire bah, je ne ferai pas mieux, mais réfléchis un peu. Je veux dire, si tu as bien compris le système dans lequel on est aujourd'hui, les patrons, alors je ne dis pas tous évidemment, hein, ils délocalisent. Pourquoi ? Parce que c'est plus avantageux, mais ils se font déjà des couilles en or, comme on dit. Donc toi, tu serais prêt à chaque fois avoir encore plus au détriment de la vie des gens, quoi. Genre, ben moi, je m'en fous, en fait, des gens. Moi, ce que je veux, c'est moi, mon truc à moi, quoi. Type de chef d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui sont comme ça. Ils ont fait de doubler leurs bénéfices, mais c'est pas assez, ils veulent tripler leurs bénéfices. Oui, mais c'est pour ça que je te repose la question. On essaye de tenir la route avec ce qu'on disait avant. Ça veut dire que tu dis que si tu étais un patron, tu ferais pas mieux. Peut-être, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas quel type de patron je suis, j'ai jamais été patron. Mais je dis qu'il y a des patrons, effectivement, qui sont comme ça. Il y a des patrons qui disent, on ne fait pas dans le social. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai fait deux fois plus de bénéfices que je vais engager des personnes comme ça pour, en gros, pour aider des chômeurs ou pour aider l'État ou quelque chose pour remplir les caisses de l'État. Mais c'est même pas aider les chômeurs ou remplir les caisses de l'État. Non, non. C'est simplement être, avoir de l'humanité, vieux. À un moment donné, si tu te fais trois fois le bénéfice sur la tête des gens, grâce à quoi t'as du bénéfice ? Mais c'est aux gens. Si t'as plus de gens qui sont là, tu délocalises, tu vas dans un autre pays faire des affaires, évidemment, mais tu laisses plein de gens sur le carreau. Hein. Mais il n'est pas obligé, chef d'entreprise, justement, de rendre ce service. Quel service ? Justement, à la communauté, à la collectivité, et donc justement de créer de l'emploi. Lui, s'il gagne beaucoup d'argent, il est content, il se remplit les poches. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il a les possibilités de pouvoir engager plus de personnes, mais pourquoi je devrais le faire ? Non mais pourquoi, attends, réfléchissons, pourquoi il peut se remplir les poches trois fois plus, oui. Pourquoi ? Grâce à qui ? Grâce aux gens qui travaillent oui. pour lui. Oui, d'accord. Après, oui. Il se dit parce que la loi économique dit, tu peux délocaliser en fait gars, tu peux aller en Indonésie, créer ton usine pour gagner encore plus. Tu trouves pas qu'il y a un problème là ? Bien sûr qu'il y a un problème, bien sûr qu'il y a un problème, c'est pas logique, mais les entreprises sont comme ça, pour la plupart aujourd'hui. Mais oui, c'est pas parce qu'elles sont comme ça qu'elles sont pas critiquables et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Hein. Bah on les critique, mais malgré ça, malgré le fait qu'on les critique. Regarde par exemple ING. ING, elle a dit oui, on va virer des gens parce qu'on va tout rendre informatique. Bah oui, mais c'est pas une raison pour virer les gens. Tu peux rendre des trucs informatiques et les gens, bah, tu leur donnes un autre travail. Tu vois, ils travailleront dans un autre secteur ou tu les formes, tu vois. Elle va dire, mais pourquoi je vais me casser la tête à faire ça ? Mais donc, on est bien d'accord que c'est un système économique qui est en place ici pour le moment en Belgique, en lien avec d'autres pays évidemment, hein, pour que les gens. Enfin, il y a un réel souci aujourd'hui. Parce que regarde, réfléchissons, Ibrahim. Demain, tout le monde se retrouve au chômage. Qui va acheter ? Qui va acheter ? Ah, bah oui, à un moment, qui va acheter ? Mais personne. Plus personne, parce que plus personne n'aura les moyens de le faire. Mais est-ce qu'on le fait ? De quoi est-ce qu'on le fait ? Je te donne un exemple. Inge, elle a viré plein de gens. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, oui, bah, on vire parce qu'on va rendre les services informatiques, etc. Bah, il suffirait que les clients Inge ferment tous leurs comptes en banque. Ils disent, ah, vous fonctionnez comme ça, vous ? Ah ben non, on va partir. À ce moment-là, ils n'auront plus de clients. À ce moment-là, ils vont se rendre compte de leur erreur. Un autre magasin va dire, on va mettre des caisses informatisées, par exemple. On va virer des caissières. Tu veux continuer à aller dans ce magasin ? Non, tu devras boycotter pour les punir en quelque sorte. C'est une forme de rébellion. Mais les gens ne font pas ça. Les gens disent, oui, je vais fermer mon compte, je vais faire ci, je vais faire ça, mais on ne le fait pas. Et donc c'est pour ça qu'elles continuent, parce qu'elles sont impunies. Quelqu'un qui est impuni continue à faire ce qu'il fait. Évidemment, je ne dis pas que les entreprises... Je dis que je les comprends. Parce que je me mets à leur tête, je me mets dans la psychologie d'un patron et je dis, moi je gagne deux fois plus. Si le patron il aime bien l'argent, bah, s'il pouvait gagner trois fois plus, il le ferait. C'est absurde, moi, je trouve. Enfin, moi, je dis pas je serai patron, évidemment, mais je vois bien déjà. Écoute-moi, Ibrahim, hein, j'ai déjà l'expérience d'avoir gagné 2000 euros par mois. Ben, je savais pas trop quoi faire avec ces 2000 euros. Pourquoi ? Parce que j'ai une vie très économe et qu'en fait, dès que tu travailles, ben, t'as plus le temps pour dépenser tes sous. Alors, quand t'en gagnes 100 000, enfin, tu vois, tu penses quand même à la tête des gens, quoi. Tu vois. Les gens, quand ils gagnent 100 000, ils veulent gagner 200 000. Ben, c'est leur droit. Je dis pas que tous les patrons sont comme ça. Hein. Il y a des patrons qui sont beaucoup ouverts. On a vu par exemple peu d'exemples, mais des exemples de patrons par exemple qui partagent leurs bénéfices avec leurs employés. Pourquoi ? Parce qu'ils disent c'est grâce à eux si j'ai pu gagner autant. Et puis il a envie de partager, comme ça il les motive. Parce qu'il sait très bien que si jamais il a gagné de l'argent sur leur dos, qu'il leur dit les gars, si vous travaillez bien, je vais vous donner des jours de congé. S'il ne les donne pas après, les gens ils vont être démotivés. Et les gens démotivés, qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, on les vire et puis on met quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Ça, c'est un mauvais patron. Mais il y a des bons patrons aussi, mais il y en a très peu. Mais ça dépend. Ça dépend du type de patron, puis ça dépend de la psychologie du patron, comment il réfléchit, comment il pense, c'est quoi ses objectifs. Quoi, t'aimerais bien être un patron ? T'aimerais bien être patron ? Bah, ça fait longtemps que j'y pense et bon, je trouve que c'est pas facile. Parce que si c'est pour. Parce que je pense que je serais un mauvais patron, malheureusement. C'est quoi être un mauvais patron ? Bah, c'est quelqu'un qui exploite. De toute façon, je m'en fous. C'était honnête, vachement honnête. Hein. Je suis quelqu'un de très honnête. C'est peut-être pour ça que les gens me respectent en général. Mais oui. Donc c'est pour ça que j'hésite à devenir un patron, parce que là tout à l'heure je te disais, je trouve normal que oui, un patron qui a envie de se faire beaucoup d'argent, c'est normal qu'il va virer des gens. Hein. C'est comme ça la règle. Et puis bon voilà, mais bon c'est dégueulasse évidemment parce que tu mets des gens à la porte, etc. Mais bon, alors toi qui es maintenant au chômage. Patron, tu dis ? Pourquoi quelqu'un veut devenir patron ? Pour donner du travail aux gens. Parce que c'est quelqu'un qui est très social. Mais il y a des gens qui veulent devenir riches tout simplement. Mais oui, mais il n'y a pas que devenir. Tu n'es pas patron uniquement, enfin, dans ma vision, tu n'es pas patron uniquement pour devenir riche ou pour faire du social. Hein. Tu peux travailler et avoir énormément de plaisir dans ce que tu fais, être en lien avec les autres, parce que le travail, c'est aussi se socialiser, c'est rencontrer les autres, c'est regarder comment on fonctionne en équipe, c'est être créatif. Enfin, tu vois, le travail, c'est pas uniquement du flouze. Hein. Mais non. Mais t'as entendu ce que je viens de dire ? Bien sûr, mais chacun son truc. Il y a des patrons qui veulent devenir patron. Pourquoi ? Parce qu'un fonctionnaire et un employé, aujourd'hui, il est limité. 2000, 3000 euros brut. Alors que quand tu es ton propre patron, entre guillemets, tu sais gagner 15 000 euros ou 20 000 euros. Tu payes évidemment plus d'impôts, mais ton salaire, il est illimité. La question, c'était pourquoi tu as posé pourquoi on veut devenir patron ? Moi, je t'ai donné une manière, selon moi. Voilà, le travail et créer son travail et proposer aux gens de travailler avec et tout ça, ça peut être très chouette aussi. Hein, c'est pas forcément, ce n'est pas obligatoire de faire du profit sur la tête des gens. Hein. Pas seulement du profit sur la tête des gens. Tu comprends ce que je dis ? Oui. Donc toi, tu expliques que si tu étais patron, tu ferais d'office du business et ça t'éclaterait, tu frimerais, t'aurais des belles bagnoles, t'aurais des belles gonzesses, enfin tu vois l'image un peu, c'est ça que tu me donnes comme image. Hein. D'accord, bah ouais, mais il y a des gens comme ça. Je te donne un exemple, si je veux acheter une Lamborghini, j'aime bien les Lamborghini, ça coûte très cher, il faut que je gagne beaucoup d'argent, et pour gagner beaucoup d'argent, c'est pas en travaillant au Aldi que je vais pouvoir m'acheter une Lamborghini, par exemple. Mais pourquoi t'aurais une Lamborghini ? Comment tu dis ? Une comment ? Bah, une Lamborghini ou par exemple... Lamborghini ? Voiture, j'imagine ? Oui, par exemple. Ouais. Sans savoir ce que c'était, je savais que c'était une voiture. Oui, mais c'est une voiture, par exemple. Voilà. Mais chacun a ses envies. T'as des rêves, quand même. Mais oui, mais je suis d'accord sur les rêves. Attends, mais je suis d'accord. Mais t'es pas obligé de sucer les gens pour ça, quoi. D'accord ? Tu comprends la logique, quoi. Tu peux pas sucer les gens pour faire tes petits rêves de narcissique, égocentrique, quoi. Mais revenons peut-être à ton chômage. Il faut les punir, alors ceux que tu as dit, les égocentriques, narcissiques. Mais pas les punir, mais il faut des règles. Voilà, mais il y en a, elles n'existent pas. Alors c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de le faire. Aujourd'hui, il y a un groupe qui se crée entre les riches et les pauvres. T'as des pauvres qui veulent devenir riches. Ça, c'est très classique. Hein. C'est plus rare qu'un riche veut devenir pauvre. Hein. C'est très rare, ouais. C'est très rare. Mais ce gouffre, justement, il est en train de se creuser. En fait, je ne comprends pas à chaque fois pourquoi les gens ne veulent pas admettre que, justement, il y a des gens qui existent et qui ont cette volonté de devenir riches et de réussir dans la vie, tout simplement. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais on peut très bien réussir dans la vie humainement, être quelqu'un de gentil, honnête, correct. » Je dis « Oui, d'accord, mais bon. » Aujourd'hui, on s'en fout un petit peu de ce genre de personnes. Mais non, non, Ibrahim, il faut essayer de justement défendre. On est en plein, moi, je crois qu'on est en plein en plein cœur de ce gros dilemme entre cette société, ce système dans lequel on est, toi et moi. On va parler de la Belgique. Ça part en cacahuète totale, je veux dire, il y a tout qui s'effondre petit par petit, il y a des licenciements, le travail ça craint, le chômage ça craint. Donc on est comme ça dans une société où non, il n'y a pas que ces valeurs de fric et de gens jetables. C'est la survie déjà. La première valeur. Déjà, la première chose que les gens, le premier objectif des gens, c'est déjà la survie avant de vouloir devenir riche ou quoi que ce soit. Parce que déjà les demandeurs d'emploi, les gens qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, ils n'ont pas beaucoup d'argent, il y a juste suffisamment pour boucler la fin de mois. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un travail. Une fois qu'ils ont un travail, ils ont un autre objectif, c'est de le garder. Et après l'avoir gardé, c'est de monter en grade, et ainsi de suite. On se fixe chacun des objectifs petit à petit. Mais c'est ça que je dis, il y a quand même un objectif final. C'est quand même lequel? La réussite sociale. La réussite sociale, bien sûr. Mais toi, peut-être, mais tu peux comprendre qu'il y en a d'autres, c'est pas ça, c'est pas la réussite sociale. Tant mieux pour eux. Oui, mais c'est pas une question de c'est pas leur problème. On discute d'un panel de gens avec des objectifs et une ambition de vie différente. C'est pas tant mieux pour eux, ne me dis pas ça. On discute, il y a ce que tu dis, la réussite sociale, être quelqu'un, avoir une belle voiture, gagner du pognon, ça c'est une chose. Il y en a une autre que moi je connais un peu plus, qui est c'est s'épanouir dans son travail, faire ce que tu aimes, rencontrer des gens. Et puis j'imagine qu'il y a encore d'autres catégories que je connais un peu moins. Mais tu vois, il y a des gens qui ont simplement envie d'avoir de l'argent. Ils ne se posent pas trop de questions, juste pour payer la maison, manger, regarder la télévision. Le frigo est rempli, ça va bien, on va retravailler le lendemain. Enfin, j'imagine qu'il y a plein de panels d'objectifs différents. Tout à l'heure, j'avais parlé que le premier panel, c'était la survie. C'est celle-là. Donc, se payer à manger, garantir son toit, être heureux. Mais à un moment donné, il y a des gens qui s'arrêtent là. Ils disent, moi j'ai tout ça, je suis content. Et qui ne voient pas plus loin. Écoute, tu as l'air de trouver anormal qu'on ait deux visions différentes. J'ai ma vision, je la partage avec toi. Maintenant, si elle ne te plaît pas, moi je ne peux rien faire pour toi. Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas une question d'anormalité. Je trouve ça très normal. Simplement, c'est quand tu réagis en disant il y a ta vision du monde, il y en a d'autres. Et heureusement qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que celle... Moi, je te donne la mienne. Mais attends, il n'y a pas que celle... Il n'y a pas que la tienne. Je veux dire, il n'y a pas que celle où tu dois être dans la réussite sociale, avoir plein de fric et compagnie. Je suis d'accord qu'on est un peu dans cette vision-là dominante. Mais heureusement... Il y a des niches qui nous montrent qu'il y a d'autres manières de voir le monde, quoi. Tu vois, il n'y a pas que cette société de fric, d'avoir et tout ça, quoi. Tu comprends? Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ce que tu dis là? Non, simplement que tu entendes qu'il y a d'autres manières de voir. Parce que là, on parlait un petit peu. Moi aussi, tu vois, je dois me concentrer pour tenir le fil de la conversation. Mais on a parlé aussi des patrons. Tu disais, oui, mais quoi? Ça sert à quoi d'être patron alors? Tu vois, tu te posais cette question et moi je te dis, attends, moi j'essaye de réfléchir. Si je suis patronne, déjà le mot patronne ça m'excite pas trop ce mot, mais si j'étais initiatrice d'un job, c'est pas forcément l'argent moteur. Ça peut être aussi. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres manières. Il n'y a pas qu'une manière de voir la vie. J'ai jamais dit ça. Moi j'ai dit qu'il y avait différents types de patrons. Si tu es ce type de patron-là, c'est bien, tant mieux. Mais les gens doivent comprendre qu'il y a deux types de patrons, c'est tout ce que je dis. Ah, t'inquiète, je crois que les gens, ils savent très bien... ils savent très bien quel genre de patron il y a. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, il y a des types de patrons qui sont... dont leur objectif, c'est l'appât du gain. Et puis, il y a d'autres patrons qui sont contents que leur entreprise, par exemple, n'est pas dans le rouge, que leurs employés sont satisfaits, que leurs clients sont satisfaits. Et puis voilà, c'est tout. Mais toi, tu as une formation de... C'est comment encore ta... Langue. Non, mais ton dernier job, c'était quoi le... Assistant commercial. Voilà. T'étais en plein cœur du commerce, quoi, du business. Oui. Ah, bien sûr. T'as une formation là-dedans. Non, j'ai pas vraiment fait d'études en commerce, mais parce que je parle les langues et parce que... Ça, c'est la question des débouchés. Hein. Quand tu finis tes études, tu fais pas toujours ce que tu as étudié. Mais t'as fait quoi comme études? Moi, j'ai fait les langues, donc j'étais censé devenir traducteur, officiellement, mais ça me plaisait pas. Pourquoi? Oh, parce que ça me saoule de rester derrière un bureau pour transformer un texte dans une langue, dans une autre. Mais oui, mais t'as passé combien de temps à étudier ça ? Oui, je sais, j'ai 5 ans, mais bon, voilà. Je regrette mes études, évidemment, qu'est-ce que tu veux ? Quoi, on t'a forcé à choisir ? Non, parce que quand, je voulais commencer à parler de ça, mais quand j'ai fini mes études, ça c'est un problème que beaucoup de jeunes dans le secondaire ont, ils savent pas trop quoi faire. Donc ils finissent en langue, en éco, quoi que ce soit, ils savent pas quelle étude supérieure faire. Et il y a un problème, je trouve... Les jeunes de 18 ans aujourd'hui, quand ils sortent du secondaire, ils ont un problème d'orientation. Alors il y a trois possibilités. Soit ils font le truc dans lequel ils sont forts, un type qui est très fort en mathématiques, mais peut-être qu'il n'aime pas les mathématiques, mais on lui dit tu dois faire les maths, et à la fin il s'ennuie. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Moi j'aimais beaucoup les sciences, mais j'étais nul en sciences, mais j'étais très fort en langue et je n'aimais pas les langues. Et finalement j'ai fait ce que j'étais doué pour, donc j'ai fait les langues. À la fin je l'ai regretté. Donc 5 ans à étudier les langues. Et tu parles quelle langue alors ? Français, anglais, espagnol, néerlandais. C'est incroyable, tu parles couramment, tu parles bien. Oui, oui. Vraiment ? Alors, pour le néerlandais, j'allais en parler après. Une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal à trouver du travail, c'est le bilinguisme. Donc aujourd'hui, moi je me considère comme étant bilingue. Je sais parler, tenir une conversation en néerlandais. Mais... aujourd'hui, quand tu postules, on demande le bilinguisme français-néerlandais. Et j'ai remarqué que quand il y a un demandeur d'emploi francophone qui dit qu'il parle le néerlandais, ben quand il est francophone, on ne reconnaît pas son bilinguisme. Par contre, un néerlandophone qui parle français, c'est vu comme un exploit. Donc lui, il est considéré comme étant bilingue. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Quand on dit pourquoi est-ce que ce sont principalement les Flamands qui occupent les plus hauts postes, etc., on vous dit parce qu'eux, ils sont bilingues. Mais tu dis, ben, c'est pas vrai. Il y a plein de francophones qui sont bilingues. Voilà. Bon, ben ça, aujourd'hui, c'est parce que, encore une fois, au niveau politique, il n'y a pas de défense des francophones, quoi, tu vois. Donc ce sont les Néerlandais qui ont, les néerlandophones qui ont pris le dessus, les Flamands. Et donc moi, je me considère, oui, comme bilingue français-néerlandais. Donc je parle aussi anglais-espagnol, donc je parle 4 langues. C'est génial, ça, Ibrahim. Bien sûr, c'est ce qui me permet justement de pouvoir postuler à différents types de travail. Mais bon, déjà l'espagnol, il me sert à rien. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas de personnes qui parlent espagnol ici. Oui, mais je veux dire, tu pourrais avoir des idées de voyage, d'aller voir un petit... J'ai travaillé beaucoup à l'étranger, donc ça aussi, je voulais en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu as pas beaucoup, tu trouves pas de travail ici... En Belgique, tu parles ? Oui, en Belgique, donc une des possibilités qui s'offre à toi, ou qui s'impose, on va dire, c'est d'aller travailler à l'étranger. Travailler à l'étranger, c'est quoi ? C'est de la précarité. Par exemple, moi, je sais, demain, je peux... Si je vais en Irlande, par exemple, je trouverai du travail, le jour même. Pourquoi tu dis ça ? Parce que là-bas, ils ont vraiment un grand besoin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous nos postes qui devraient être ici sont délocalisés là-bas. Mon premier poste, c'était service clientèle pour une société belge. Donc je travaille pour une société belge, mais à Madrid. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher le salaire belge de 2000 euros brut, ben là-bas, je touchais 1400 euros brut. Donc à 900 euros net environ, alors qu'ici, je devais toucher 1500 euros net. Donc l'entreprise, comme elle a délocalisé ce poste de service clientèle bilingue là-bas, ben ça lui coûte moins cher. Parce que tous nos postes qui devraient être ici sont à l'étranger. Ils sont au Maroc, dans des centres d'appel. Ils sont en Espagne, il y a beaucoup de centres d'appel. J'ai cité l'exemple de Dublin qui est en Europe un des endroits où il y a le plus de centres d'appel. Donc en fait, mon poste, mon boulot que je devrais faire, hein, mon intitulé, il se trouve à l'étranger. Et aujourd'hui, donc, je suis un petit peu obligé de devoir... Mais là, je ne peux pas parce que j'ai des obligations qui me retiennent ici. Mais sinon, oui, il y a du travail à l'étranger. Mais pour une précarité, c'est-à-dire un petit contrat. Par exemple, maintenant, en Espagne, la mode, ça s'appelle des stages. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils peuvent te virer après une semaine. Ils donnent plus de CDI. Moi, c'est des petites techniques. Donc voilà la raison pour laquelle les polyglottes ont du mal à trouver du travail. Et puis aussi, beaucoup de personnes d'Europe, hein, avec la directive Bolkestein et tout le bazar, là, les lois européennes, qui permettent justement à des employés et même des ouvriers de pouvoir bénéficier, de travailler, d'avoir un contrat à l'étranger, de venir travailler ici, etc. Donc du coup, par exemple, pour l'espagnol, on préfère engager des Espagnols parce qu'ils sont moins exigeants au niveau salarial. Et parfois, ils viennent avec leur contrat espagnol en poche. Bon, ça, c'est les défauts, on va dire, de la globalisation, de la délocalisation des postes, quoi. Bah, aujourd'hui, par exemple, je lisais ce matin un article, la monnaie belge, donc celle qui frappe nos monnaies, qui est quand même une institution belge, bah, elle va se délocaliser. Ça veut dire que nos pièces de monnaie belge vont être fabriquées dans un autre pays où c'est moins cher. j'ai envie de dire, je comprends. Pour... Allez, moi, si j'étais ministre du budget et qu'on me dit, ouais, voilà, la monnaie, ça nous coûte beaucoup trop cher, la première idée que qui me viendrait à l'esprit, c'est, bah, écoutez, on va fabriquer nos pièces à l'étranger. Combien on va économiser ? 1 milliard sur l'année. Bah, génial. Mais le problème, c'est que quand tu es, on va dire, un petit peu nationaliste, hein, tu te dis quand même, la monnaie belge, on ne va pas aller délocaliser ça, on va délocaliser autre chose. Par exemple, à un moment donné, la fabrication de nos passeports, je pense que c'est en France ou en Belgique, on faisait faire ça à l'étranger. Pourquoi ? Parce que l'impression coûtait moins cher. T'as envie de dire, bah, à ce moment-là, on délocalise tout. Alors quoi, la Belgique va devenir un pays de chômeurs où tous les gens qui vont travailler pour ces chômeurs, donc fabriquer leurs papiers et tout ça, l'aspect administratif, sera fait à l'étranger. Bientôt, nos pizzas vont être fabriquées à l'étranger et puis on va nous les amener ici parce que ça coûte moins cher. Donc quoi, t'as dit ? Bah, j'ai dit, par exemple, bientôt, nos pizzas vont peut-être être fabriquées à l'étranger et puis on devra les acheter ici. Bah, c'est ce qui se passe avec le lait, par exemple, alors qu'on a du lait ici. Enfin, bon, c'est incroyable. Bon, il y a des gens qui se battent pour ça. Ils font des manifestations contre le CETA, contre les TTIP, contre la délocalisation, contre le dumping social. Quoi, tu trouves ça bien ou tu trouves ça... Quoi ? T'en penses quoi ? C'est pas facile. Franchement, bon, les gens trouvent que je suis assez trop libéral dans ma façon de penser. Mais quoi, trop libéral dans le sens de la société libérale dans laquelle on est, c'est-à-dire capitaliste. Je vais te donner comme exemple que je trouve normal qu'un employeur, pour gagner plus d'argent, parce qu'il paye trop d'impôts, va mettre son argent ailleurs. Le jour, j'avais un ami, lui, il est plutôt de gauche, il était scandalisé. Il me dit, mais Prime, comment tu peux penser pareil ? Bon, parce que je lui dis, je me mets à la place du gars, tu vois. De nouveau, on revient à notre petite discussion de tout à l'heure. Mais évidemment, on doit penser à nous-mêmes, on doit penser à... Allez, à vivre bien ici dans notre pays. Et donc, la solution, c'est défendre nos jobs ici, tu vois. Donc oui, c'est normal qu'on doit se battre contre le dumping social, contre la délocalisation des entreprises, contre l'informatisation des services, etc. Donc, oui. Pourquoi tu trouves ça normal ? C'est le copain qui disait ça, que c'est normal. T'as pas l'air convaincu, en fait. Non, mais bon, je suis coincé entre les deux. Hein. Je veux dire, je suis quelqu'un qui se cherche, on va dire, en quelque sorte. Et Ibrahim, si vraiment c'était le monde que tu disais hyper libéral, en avant, le fric pour le fric et tout, ben, t'aurais pas de chômage. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de forme de chantage qu'on me fait parfois. Non. C'est que dans ta vision, je veux dire... Il y a des gens qui se sont battus pour ne pas se laisser faire. C'est des acquis sociaux qu'on appelle ça comme ça. Ce n'est pas simplement, je veux dire, le patron, quand il gagne de l'argent, il y a une somme qu'il remet à la collectivité. Et ça, c'est quoi ? C'est des combats qui se sont menés. Il y a des gens qui sont morts pour que ça se mette en place, quoi. Et c'est un système de solidarité. Ça veut dire que quand il y en a un qui est malade, eh ben on décide de cotiser tous pour lui, comme ça il peut se soigner, quoi. Tu vois ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que cet argent qui sert à la solidarité, on l'utilise pour... Alors, on vire quelqu'un et on lui dit, t'inquiète pas, hein, tu vas avoir ton chômage, tiens. Voilà, la collectivité va te reverser une partie de l'argent pour ça. Et lui, ce qu'il veut, le gars, c'est travailler. Moi, ce que je veux, c'est que les chômeurs soient actifs, pas inactifs. Mais oui, je comprends tout à fait, mais ça n'a rien à voir avec les charges. Ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, ça... Je veux dire, quand le patron, il vire quelqu'un, c'est parce qu'il veut se faire plus de bénéfices ou l'employeur lui coûte trop cher, ou je sais pas, moi, ou... Il y a d'autres raisons, mais c'est pas à cause des charges sociales. Enfin non, là je m'égare, mais là on s'égare. Là j'ai perdu mon fil, moi. On parlait du fait que tu disais, toi, redis ce que tu disais. C'est parce que ta pensée est tellement... c'est pas limpide, quoi. C'est pas limpide. Tu dis, oui, mais le patron, il va te virer, comme ça, il te met au chômage. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas être au chômage, c'est travailler. Mais évidemment. Mais ça n'a rien à voir. Tu as commencé en disant, aujourd'hui, grâce au chômage, grâce à cette possibilité qu'ont les personnes qui perdent le travail d'avoir un revenu, donc c'est un bon système. C'est grâce à des gens qui se sont battus dans l'histoire. Il y a même des morts, quoi, hein, Pourquoi ? Parce que le patron, il suçait déjà. C'est une vieille histoire, ce qu'on est occupé à vivre. Hein. Les patrons veulent toujours sucer les gens qui travaillent pour eux. D'accord ? Et dans l'histoire, il y a des gens se sont mis ensemble, ont été solidaires, il y a eu plein de morts pour dire nous ne devons pas nous laisser faire, nous devons demander que le patron donne plus que ce qu'il donne pour créer de la solidarité avec cet argent. D'accord ? Et ça s'est mis en place. Voilà. Alors, moi, je vais te donner le mot qu'on cherche pour récupérer le fil, c'est la durée. Moi, ce qui me dérange, c'est la durée du chômage. Pour récupérer quoi ? Le fil de la discussion. Donc, moi, je te dis, le terme qui nous manque ici, c'est la durée. Moi, ce qui me dérange, c'est la durée du chômage. Moi, ce que je te dis, c'est que le chômage doit être une période temporaire. Il n'est pas logique qu'une personne soit au chômage pendant 4 ans, sans travailler. Il faut lui trouver un travail n'importe lequel. Il faut qu'il puisse rendre un service à la collectivité. Alors, évidemment, il y a eu cette proposition faite par un député que on devrait proposer aux personnes chômeurs de faire un travail pour la collectivité. Alors évidemment, les autres gens ont dit « Ah ouais, mais si vous faites ça, ça veut dire que quelqu'un d'autre va perdre son travail. » Bon, ben s'il y a moyen de faire travailler les chômeurs pour qu'ils soient actifs, moi je parle de la oisiveté, tu vois. C'est ça qui tue les gens aujourd'hui, au niveau du chômage. Mais évidemment, Ibrahim, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment du... Je veux dire, c'est pas marrant d'être au chômage, c'est pas marrant de pas avoir du travail, c'est pas marrant de compter ses sous. Je veux dire, être au chômage, c'est un état instable. Moi, c'est pas marrant de se lever le matin, d'ouvrir son PC et que ton activité principale soit la recherche d'un travail qui n'existe pas. Je trouve ça débile. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Moi, je dis, il faut trouver un système qui permet de, entre guillemets, mettre à disposition des chômeurs certains jobs qu'ils pourraient faire, quoi. Évidemment, mais ça... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur propre travail. Il y a des gens qui deviennent artistes, du coup. Pardon. Moi, par exemple, j'écris des articles. Et je fais un travail, on va dire, sur le terrain d'analyse. Il y a des gens qui pensent que je suis journaliste ou blogueur, mais bon, j'aime pas ces termes-là. Parce que je m'ennuie tellement que ça m'a obligé à créer un travail fictif non payé. Ben, au moins, ça me permet de socialement être actif. Mais sinon, ben, je passerai mes journées à dormir, à jouer à la console de jeu, à regarder des séries en n'en plus finir. Et c'est ça que je veux casser, moi. Mais évidemment, Ibrahim, mais si tu veux casser ça, ce n'est pas... Enfin, la manière dont tu exprimes les choses... Mais évidemment que tout le monde, quand il est au chômage, il a envie... C'est bien ça, c'est... Ça devient plus simplement Ibrahim, ça devient plein de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Que va-t-on faire de sa vie ? À partir du moment où on est coupé, pas simplement du travail et du fric, mais aussi coupé, tu vois, du lien social, du sens de la vie, tu comprends ? Ben oui, mais c'est ça qui me dérange, en fait. C'est cette coupure. Et d'ailleurs, c'était le thème de notre discussion, c'était justement parler du chômage, parler pourquoi les gens sont au chômage et comment ils vivent le chômage. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, du coup, parfois, on se sent un petit peu obligé de devoir créer son propre travail. Et tout le monde n'est pas capable de ça non plus. Parce que c'est pas rentable. Je te donne un exemple. Toi, par exemple, le travail que tu fais maintenant, bon, ben, il n'est pas rémunéré. Mais si tu pouvais trouver un moyen qui soit rémunéré, ben, tu ne ferais que ça, parce que ça te fait plaisir de faire ça. Tu vois, aller au contact des gens, parler, tout ça. Donc si tu arrives à vendre ce produit, ce que tu ferais. Un autre exemple, quelqu'un qui aime peindre. On va lui dire, mais monsieur, peindre, c'est pas un travail. Mais si le type, il arrive à se faire de l'argent en peignant, et qu'il arrive à survivre, bah, tant mieux, il va en faire un travail. Donc, officiellement, sa société, c'est être peintre. Par exemple, peindre des aquarelles ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le rêve de tout le monde. On parlait de ça tout à l'heure, que bah, la recherche de certaines personnes, c'est faire ce qu'on aime. Mais aujourd'hui, malheureusement, la plupart des chômeurs ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui, ils acceptent n'importe quel travail. Moi, je postule parfois pour des postes qui ne me plaisent pas du tout. Et quand je dois faire la lettre de motivation, je dis, mais qu'est-ce que je vais écrire dans ma lettre de motivation ? Je ne suis pas motivé du tout pour faire ce genre de travail, tu vois. Et c'est ça le problème aujourd'hui qu'on a. Et donc, la satisfaction personnelle, c'est quelque chose de très difficile à atteindre. Et aujourd'hui, la majorité des gens te disent ça. Quand tu leur dis, ben, tu sais, ils rentrent du boulot, ils sont dégoûtés, ils en ont marre, ils font chier ses collègues, fait chier ce travail, tout ça. Mais t'as envie de dire, pourquoi tu... Mais ils disent, c'est pour... il faut bien payer le loyer, hein, il faut bien que les enfants aillent à l'école, etc. Mais c'est triste, tu vois. Oui, oui, et c'est une majorité de gens comme ça. Hein, c'est... Des gens qui sont comme ça, ouais, c'est ça. Si seulement tout le monde pouvait faire ce qui lui plaisait, qui lui plairait, ce serait magnifique, hein, mais bon, c'est malheureusement pas toujours possible. Oui, et même en réfléchissant, de pas forcément faire quelque chose qui nous plaise, mais de faire quelque chose où t'es bien payé, où t'es dans, avec des rapports corrects avec ta hiérarchie, tu vois, où c'est chouette. Hein, c'est pas obligé non plus de faire exactement ce que tu as rêvé. Tu peux aussi être dans un chouette travail avec des conditions humaines super, super intéressantes. Tu comprends? Bah, je veux dire, toi, par exemple, quand tu as travaillé comme agent commercial, je veux dire, si tu avais été avec des gens où c'est gai de manger à midi ensemble parce qu'on s'écoute vraiment... Attention, le travail que j'ai fait, à chaque fois, il y avait des avantages et des désavantages. Par exemple, il y avait un job que j'avais accepté parce que il y avait certains avantages, mais il y avait aussi des désavantages. Les désavantages, ce sont ce qu'on recherche. La satisfaction personnelle, le salaire, il est bon, le prestige du travail. Et puis, il y avait des défauts, bah, par exemple, les horaires ou quoi que ce soit. Mais donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire aussi un travail sur soi-même, tu vois. Quand tu travailles, voir les défauts, bah, les défauts du job, être un peu plus optimiste. Moi, mon plus gros défaut, c'est d'être pessimiste. Je pense que... Tu l'as remarqué, hein, c'est facile à voir. Non, pas spécialement, non. Je te connais à peine. On trouve que je suis quelqu'un d'extrêmement pessimiste. Hein. Je te donne un exemple. Un de mes boulots que j'ai fait, c'est d'être prof. Je dis, plein de gens veulent être prof. Ils disent, putain, t'as de la chance, j'étais prof d'anglais dans 3 écoles. Une bonne école et 2 écoles poubelles. Bon, déjà, le fait que tu utilises le terme d'école poubelle, c'est pas très gentil. Hein. Moi, j'estime que c'était des écoles poubelles. Alors qu'il y avait des professeurs dans cette école qui voyaient le bon côté des choses. Oui, effectivement, c'est une école difficile, mais tu peux changer. Il y a un défi, justement, transformer cette école poubelle, justement, en une bonne école et tout ça. Bon, il faut avoir de la motivation, déjà. Ça, c'est encore un truc que je n'ai pas, malheureusement. Dans un autre travail que j'ai fait, donc moi, je suis quelqu'un qui a un master, je parle 5 langues, et j'ai été gardien de musée. Tu vas me dire quoi ? Regardez, c'était honteux. Donc moi, j'étais dans le musée et je voyais mes anciens de l'école qui arrivaient. Donc un autre, il reste caché, mais moi, je ne me cachais pas. Et je leur disais, ils me disaient, mais Brahim, qu'est-ce que tu fais là ? Je fais, pour changer un petit peu, j'aime bien le contact avec les gens, justement, etc. C'est génial, ça, gardien de musée. Ouais, mais bon, pour des raisons médicales, j'ai dû arrêter parce que je ne peux pas rester debout trop longtemps. Et aussi parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai fait le tour. Mais si c'était à refaire, je le referais aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme travail ? Oui, j'avais un travail où j'étais très bien payé, dans une entreprise prestigieuse. Mais après, j'ai pas aimé l'ambiance de travail. Donc, comme gardien de musée, j'adorais l'ambiance de travail. Et j'étais bien payé. Mais c'était un travail, on va dire, dégradant. Parce que tu devais rester là comme un piqué dans un musée à surveiller un tableau. Et à côté de ça, j'avais un travail où j'étais assis, au chaud, avec un PC, pas trop de travail, mais l'ambiance de travail était nulle. Et donc, à un moment donné, c'est toi qui mesure c'est quoi le plus important pour toi. Donc, soit tu fais la part des choses, c'est-à-dire tu dis, bon, l'ambiance de travail n'est pas bonne. Je vais créer de la meilleure ambiance ou je vais les ignorer, tout simplement. Il y a des gens qui font ça, ils ignorent, tu vois. Ils sont comme des robots, ils sont là comme ça, ils s'en foutent. Ils sentent la critique, ça leur fait rien du tout. Et puis, il y a d'autres personnes, ils travaillent pour ça. Et donc, pour lui, le fait que l'ambiance de travail ne soit pas au rendez-vous fait que le matin, il n'arrive pas à se motiver à aller au travail. Et quand il arrive, il tire la tronche. Et des choses comme ça. Ça, ce sont les raisons qui ont fait que malheureusement, je n'ai pas pu garder mes anciens jobs parce qu'à un moment donné, chef d'entreprise constatait que je créais une mauvaise ambiance, on va dire. Tu as été licencié alors ? Oui, à plusieurs reprises. Hein. Parfois par ambition, parce qu'on voyait que j'étais trop ambitieux. Parfois parce que, pour en revenir à notre article, parce que j'avais envie de changer les choses, alors qu'on me demandait de ne pas changer les choses. Et puis aussi parfois par la précarité du travail. Hein. Parfois, tu avais des contrats précaires et que tu recherchais justement une certaine stabilité d'embauche que tu ne pouvais pas avoir. Et aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça fait 4 ans que je me remets en question. Donc à chaque fois que je vais dans un pour un boulot, je me dis... Il y a des avantages et des désavantages. Je me dis, si j'accepte le travail, je vais faire quelque chose que j'aime pas, dans une entreprise que j'aime pas, dans un secteur que j'aime pas, avec des collègues que j'aime pas, mais au moins je vais avoir un boulot bien payé, etc. Si je fais ça, c'est l'inverse. Et donc, tu sais pas trop ce que tu veux. Et donc justement, les entreprises, elles voient ça lors de l'entretien. Parce que vous avez dit quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Bah, elle voit déjà qu'avec vos défauts, vous n'allez pas cadrer dans le travail. Elle voit qu'avec vos qualités, mais ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, bah, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin, etc. Donc, j'arrive pas à entrer dans le moule, si tu veux. Mais aujourd'hui, malheureusement, en entretien, on vous demande parfois de mentir. C'est-à-dire que pour réussir un entretien, c'est très facile. Il suffit de voir ce que l'entreprise veut et vous devez leur faire croire que c'est ce que vous allez leur donner. Par exemple, pour les qualités et les défauts, vous devez... Bah, par exemple, la question des qualités et des défauts, le conseil qu'on vous donne toujours, c'est de ne pas donner vos défauts. Alors tout le monde a joué le jeu. Le jeu, c'est quoi? C'est un jeu d'acteur. Bonjour, est-ce que vous pourriez me donner 3 qualités, 3 défauts? Alors quand vous devez donner vos qualités, vous devez en citer 4. Et puis l'autre, il va vous faire, oh mais on avait dit que 3, tu dois en supprimer un. Puis tu vas faire, ah bon, j'en ai donné 4. Bon. Et puis quand on vous donne les défauts, vous devez en donner 3. Si tu arrives en disant, oh je suis quelqu'un qui est tout souvent en retard, j'aime pas qu'on me dise ça, et tatata, on vous dit, wow. Alors tu es obligé de jouer le jeu, tu vas te dire, des défauts, moi j'en ai pas de défauts. Si, si, on a tous des défauts. Oh, alors qu'est-ce que tu dois donner comme défaut? Tu dois donner des qualités. Et puis le type, il va dire, pardon, il va dire, ah mais non, mais ça c'est des qualités. Tu vas dire, ah bon? Ah bah alors zut, alors j'ai pas de défauts. Mais j'aime pas jouer à ce jeu-là, parce que je suis quelqu'un qui est très direct et qui est très franc. Donc aujourd'hui, on me dit, Ibrahim, si tu veux trouver du travail, tu dois jouer le jeu. Et c'est pas facile pour moi. Voilà. Ibrahim, on touche à la fin. Je te laisse... Je te laisse les mots de la fin. Non, mais là, il a hein, les entreprises veulent des gens intelligents qui n'utilisent pas leur capacité de réflexion. Ça a commencé comme ça. Et ça se termine. Oui. Bah, c'est logique. Hein. Ça fait partie du système dans lequel on est, le travail, évidemment. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur tout ce qu'on a discuté Ah, ben j'ai envie de dire. Déjà aux personnes qui finissent leurs études, si elles ne savent pas déjà ce qu'elles veulent faire, qu'elles ne doivent pas se lancer dans quelque chose qu'elles n'aiment pas, ou dans quelque chose dans lequel on les a forcées d'aller. Si elles ont envie d'une période de réflexion, je leur conseille de prendre cette période de réflexion. Deuxièmement, quand quelqu'un fait un travail qui ne lui plaît pas, plutôt que de le quitter, étant donné qu'aujourd'hui, pour retrouver du travail, c'est très difficile, je lui conseillerais de faire une introspection sur lui-même et de voir comment il peut faire en sorte pour se sentir bien dans son travail. Donc soit de suivre une formation pour s'améliorer ou soit de faire une activité qui lui permette d'oublier justement tout l'aspect néfaste du travail. Et pour les chômeurs, bah, je leur dirais, plutôt que de courir après des jobs qui n'existent pas, mais s'il y a moyen qu'ils créent leur propre travail, c'est pas facile de devenir indépendant, hein, mais il existe des structures aujourd'hui qui permettent à des personnes... C'est pour ça que je vais me lancer là-dedans. J'adore les conseils que tu donnes. Ah oui. Il y a quand même une réalité économique qui fait qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Donc, non, il n'y a pas de travail. Donc tu fais un peu comme quand tu as une convocation à l'ONEM. Alors monsieur, est-ce que vous cherchez vraiment du travail? Il suffit de retourner. Mais oui, mais monsieur, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Il y a une réalité économique qui est là. Tu t'en parles très peu dans ce que tu dis. Tu donnes des conseils pour dire aux gens, allez, bougez-vous, créez-vous même votre travail, mais... Bah, soit tu fais ça, soit tu milites politiquement et tu fais pression pour que les emplois soient créés. Mais c'est très difficile. S'il n'y a pas d'emploi, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un véritable problème. Hein. S'il n'y a pas d'emploi, comment fait-on? Comme j'ai dit, soit on crée son propre travail, soit on fait pression sur le gouvernement pour qu'il crée du travail. Quitte à créer, par exemple, des jobs dans la fonction publique. Ouais, bon, l'un des partis qui a le vent en poupe actuellement dit que si on, par exemple on taxait les multinationales ou tout ça, on aurait de l'argent qui rentrerait dans la caisse de l'État et ça permettrait de créer du travail. Bah, par exemple, il faut militer pour ça. Il faut obliger justement, bah, peut-être que la Belgique va réussir sa révolution et justement récupérer cet argent parce qu'il existe et créer de l'emploi. Ah, t'as souri parce que peut-être que tu penses que ça va être très difficile, hein. Ah, mais je crois qu'il n'y a pas de réelle volonté. Je crois que ça pue, oui. Ça pue notre système. Hein. Il est occupé à mettre en place notre système, tout en place pour que c'est chacun pour soi et voilà quoi. Mais justement, comme il y a une certaine pression de la part des syndicats et du politique sur ce système, ben justement, ça peut peut-être changer les choses. Ça, si on est quelqu'un de optimiste, on y croit et on fait tout pour que le gouvernement crée justement ces emplois, soit on est pessimiste, et à ce moment-là, bon, bah, comme moi, bah, tout à l'heure j'ai dit, bah, écoutez les gars, il n'y a pas de travail, bah, vous créez votre propre travail, vous allez vous casser la gueule, et puis tant pis. Hein. Merci Ibrahim pour ces mots réconfortants. Merci à toi. Bon, ben, j'espère avoir quand même conclu sur une touche peut-être un petit peu positive, mais voilà. Non, non, tu n'as pas du tout été négatif, c'est pas ça, mais la discussion est partie. Je serais curieuse de réentendre tout ce qui s'est dit là. Hein. D'accord. Ben, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'espère que ça va plaire aux auditeurs. On n'est pas là pour plaire, hein, Ibrahim. Oh. Ah, pas pour plaire, mais je vais dire que qu'ils vont se dire, bon, ben, c'est une bonne remise en question. Et puis, enfin, chacun doit se remettre en question. Chacun doit revoir ses objectifs. Mais l'important, le premier objectif, c'est bien entendu la survie et la satisfaction personnelle, donc être heureux. Et chacun doit voir professionnellement, pour être heureux, qu'est-ce qu'il a besoin. Eh ben, il doit... C'est la quête du bonheur, tout simplement. Et je souhaite à tout le monde d'être heureux. Et pour cela, si c'est dans le cadre professionnel, bon ben, je souhaite à tout le monde, en tout cas, d'être heureux et d'être riche, etc. Même si c'est presque difficile ou impossible, ben c'est ce que je souhaite en tout cas à tout le monde. S'il y en a qui y arrivent, tant mieux pour eux. S'il y en a qui ont le secret, ben qu'ils le partagent avec les autres. Voilà.